Il a un petit imbi par rapport aux gens qui... On a le Messie de Mariam, on a le Messie de Djal. Le Messie de Djal. Les gens souvent traduisent le Messie de Djal par le faux Messie. Et ça, c'est une traduction qui n'a pas d'origine dans la religion, car le Djal ne se fait pas passer pour Issa. Mais c'est une personne qui va éprouver les gens, et c'est un grand menteur. D'accord ? Et va s'yadda'i al-Rububiyya. S'yadda'i al-Rububiyya. Il va s'attribuer la seigneurie, qui peut tuer et redonner la vie. Et ça, il le fera, car Allah lui accordera cela, pour qu'il égare les gens. Tout comme Issa, Allah lui a donné la qudra de donner la vie à des morts. Mais kullu biznillah. Donc, le faux messie, la traduction de Messie d'Adjel, elle n'est pas correcte. Ce n'est pas un faux messie. D'ailleurs, il a été dit que le mot messie pour Messie d'Adjel, c'est liyanna aynahu al-yumna mamsouha. Son œil droit, il est borné. Son œil droit est effacé. Waqila yamsah fil ard, ça veut dire il parcourt la terre. Adat ma'ani. Il y a plusieurs sens qu'on te donne à Messie. Donc lui, on dira, ce serait le Messie, grand menteur. Et également le mot Christ, il vient de Messie. Je ne l'ai pas longtemps. Pour moi, Christ, on est de chrétien de la croix par rapport à la croix. En fait, non. Ça vient de Messie. C'est pour cela que les chrétiens, comme on l'a expliqué, Shadaïn, en vrai, il ne faut pas les appeler chrétiens. Il faut les appeler Nassara. Et en français, c'est Nazaréen. Car les appeler chrétiens, ça revient à les appeler Messihiyin. Et on les affilie à Issa. Et ils ne font pas de Issa. Les ulama disent bien, dans le Coran, Allah les appelait Nassara. Ils n'ont pas appelé Messihiyoun. Alors que le mot Messie, il existe dans le Coran. Il est connu. Pourtant, à l'époque du Nabi Sallam, ils n'ont jamais dit Messihiyoun. Ça n'existait pas ce terme-là. C'est un terme jadid. Ils appelaient Nassara. Et le terme équivalent aujourd'hui, c'est Nazaréen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tellement de gens ne connaissent pas le terme Nazaréen. Quand tu dirais Nazaréen, ils ne vont pas comprendre. Donc, on est un peu, on va dire, contraint d'employer le terme chrétien pour qu'ils comprennent. Mais tant qu'on peut détailler, il faut le faire. Tant qu'on peut détailler, il faut le faire, c'est mieux. Pour, yani, rester fidèle aux terminologies de la religion. Pour ne pas innover, arriver avec de nouveaux termes qui n'existent pas à la base. Ouvrir des mauvais abouems. Donc le Messie Haddadjel, dire le faux Messie, c'est pas une traduction qui correspond au sens. Ce serait un Messie menteur. Grand menteur. Oh, okay, peut-être même on pourrait dire un Christ. Dans le sens Christ, ça veut dire Messie. Donc attention à ça. Le Messie Haddadjel ne se fait pas passer pour Issa. Là, et cette nomination de faux messie, c'était pris des gens du livre, ça aussi. Ils appellent ça l'antéchrist. L'antéchrist. Et hanté, je crois que c'est pour dire ceux qui viendront avant le Christ. Dans ce sens-là. C'est déjà plus propre, ça, déjà. Point de vue le marana, c'est déjà plus correct. Le faux messie, non. C'est une fausse divinité, c'est pas un faux messie. Mais c'est un messie. Il a été appelé le Messie, lakin al-Dajjal. Et non pas al-Messie al-Makzoub, ou al-Muzayyif, ou akada, là. Non. Ou al-Messie al-Batil, là. C'est al-Dajjal, c'est-à-dire que c'est lui le menteur. T'as dit quelque chose? Hein? C'est ce qui m'apparaît, hein? En fait, je pense que ça vient de antérieur, donc, dans le sens. Parce qu'il vient avant. Après, Issa va venir et va le tuer. Donc, quelque part, le sens, il est... Il est correct, mais la nomination en religion, on l'a pas celle-ci. Non. Allez.